Thank you. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on pourrait faire un truc, qu'on puisse faire maintenant? Parce que je pense qu'un truc en 7-8 et en 4-4, on va. En alternant les deux, on va pas faire ça maintenant. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez encore jouer ou pas? Parce que c'est sympa d'écouter vos sons. Voilà, une facile. Pas une facile, de toute façon il n'y a rien de facile. Hein. Bah, si on essaye de bien la faire, qu'elle soit facile ou pas. Très relatif. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back.